0-16 en stress, c'est l'accro. Et Streamline C, je représente pour 8-9. 0-7 100% Québec. SMC pour les streets. Ça va au reste qui me déteste. Fuck, mets ta veste, tu veux me test. Je proteste contre les lois sur la cesse. Yes, non, la messe s'occupe du reste. Je fesse comme un knife dans ton chest. Y'a blâme le bon des street life si je te blesse. Toujours en charge d'une wife pour une bonne partie de fesse. Pour ça, je reste wild jusqu'au trop. MC Contest. Pas pour rien, je me rends loin, même son gars parfois en laisse. Comme une bête féroce, sans son os. Le 07 domine comme le rose échec. Allez, faites pour une conne, faites pas le poser. Check mon clic, 39 area. Tu veux pète un feed, dirty plan, but check un rap en français. C'est pas de la crap en français. Mais ma saille autant de shit dans tes textes que de semaines d'un poubelle, yo. Que de tags, des ruelles, que de rouges, des brunelles, sans contexte complexe. On me pardonne même si je vous vexe. Si je suis bombe, c'est pas de ma faute, je veux mon sexe. Un infoman, c'est juste essentiel pour moi. Comme le singe veut sa banane. Les shit nous tannent, boy. Veux juste ta banane, boy. Faut pas une scène, boy. You better run fast, boy. Comme les rude, boy, un story. Skills, check le morceau des hauts niveaux de ma ville. Détecte le crazy link invisible qui passe et qui bête les supposés king invincible de la place. Yeah, on m'a dit 5-1-4, j'étudie dans ces tracks. Mon style érudit, c'est fat right. Mais trop loin de mes racines, mes tremplins viennent de ma ville. On m'a dit 4-1-8, je les file à la quick et now j'ai like le shit. Qui la squad est high, murder satisfied. Yeah, on m'a dit 8-1-9, des hauts de plein au manoir. Je décoche ma haine avec espoir. Sur un George Beatbox, je te montre la voix. Commente le son de ma voix, les MC succombent. Superman LNC on the mic, check this out. Yo, always down pour un trip downtown. Fuck les kicks, la clown. Si t'es real, ça se démonte. Si on feel, ça se démonte. Si c'est pour faire une deal, on strike quick sans décompte. Par contre, back dans le 07, secteur haute plaine. J'débarque de Québec, les voisins portent plein. La classe, un toxello, acro, street psycho. Vois la vie comme un vicious cycle. Fuck les super cycles, super soca comme AKA Soak sur la canne. Dead stroke, puis on ban. Talk dans split, c'est pas un joint de fit. Ça garde quand même notre flow agressif. Passe le vite, mon petit pit. Que je te spit en face, je t'élimine. Pour petit kick, let's pass quick, yo. Mon flow différence ethnique, ça prête silence ethnique entre deux portes ou sur une scène de salle pleine. Mon flow t'emporte comme le sida d'une sale chaîne. Plein de bébés, tout tu fous ta bite. Pour sa paire de fesses, tout tu fous ton sexe, en quête des conséquences. Tu perds tes potes, tes connaissances et même les autres. Pour une histoire de capote qui n'arrive pas qu'aux autres. Tout dans mon area code, où les tasses pleines de crasse promènent du hall à mon école. J'ai colle leurs bottes comme des plots, pète ma coche. En voyant des filles de 13 ans, vendant leur corps au plus offrant. Tu connais mon offrant. Tu décalises ou je te kick, ta coupe batte pas la slick. Fuck that, tu touches pas ma dick. Fuck that, tu touches pas mon fric, biaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Je suis multiple organisation du son. Quand tu me testes, c'est d'autres types sensations que tu sens. Pendant longtemps, mon talent fut caché. Différent maintenant. car finalement je peux l'exprimer. Ou finalement pas, l'exprimer en toi veut maintenant ma mort comme il se doit. J'ai doigté pour provoquer, j'ai pointé pour convoquer. Sur le ring lyrical, plus la peine capitale, c'est le seul combat légal. Être sur le seuil de la légalisation, c'est moins fat que moi. Ta mère sera en deuil car toi mort en prison, ça n'est qu'à moi. Yo, décolle et stress, c'est sur tes verses que je pisse. Ton flow tu mets red, c'est un pauvre fan en cannabis. Que j'ai les yeux red, check la fleur de lys jusqu'à mon dernier deathbed and stand. Word up. Yo, fuck that. 819, motherfucker. 06 sans stress, yo, pop jusqu'à ta gueule.